السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، auditeurs et auditrices qui nous suivez sur cette chaîne tenue par le مركز الإمام الشافعي رحمه الله. Ce superbe et noble مركز qui est dirigé par notre noble cher Abu al-Harith Ahmed ibn Suleyman Badoukhun حفظه الله تعالى. Et donc nous sommes toujours en train de bénéficier des explications de notre noble cher dans la clarification des sens de l'épître écrite par cher l'islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, à savoir la Risala surnommée « Les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations ». Et donc cette épître est une épître importante abordant des jugements religieux concernant une adoration extrêmement importante dans la religion de l'islam, à savoir la salah, la prière. Et donc nous avions vu une partie des conditions de la prière. Pour récapitulatif, nous avions vu que les conditions de la prière étaient de 9 et que ceci résultait de tatabbu' wa l'istiqra. C'est-à-dire que ceci est le fruit d'une consultation exhaustive des textes de la sharia par les ulema. Et dans un souci de pédagogie, ils ont donc établi que la prière avait 9 conditions, 14 piliers et 8 obligations. Et donc, ces 9 conditions sont les suivantes. Le fait d'être musulman, le fait d'avoir la raison, le fait d'avoir atteint l'âge du discernement, le fait d'enlever l'état d'impureté, le fait d'enlever les souillures, de couvrir sa nudité, que l'heure, yani que la prière soit rentrée dans son heure, se tourner vers la Qibla et avoir l'intention. Celles-ci sont les conditions de la prière. Et nous avions abordé donc à l'islam, et le cheikh avait expliqué que la prière n'est pas acceptée du kafir. Nous avions vu l'aql concernant le fait que la personne qui est folle n'est pas redevable de la prière, par exemple. Et à Tamiz, nous avions vu que la généralité d'à Tamiz, l'âge de discernement, était à l'âge de 7 ans, mais que ceci pouvait survenir avant. Ensuite, nous avions abordé le quatrième élément, c'est-à-dire la quatrième condition de la prière, c'est-à-dire raf al hadath, le fait d'enlever l'état d'impureté. Et donc, nous avions commencé à aborder certains aspects relatifs à cette condition, et nous avions donc commencé à aborder les conditions du wudu. Pour récapitulatif, le wudu a 10 conditions. Les conditions du wudu sont au nombre de 10. Et nous en avions abordé un certain nombre. La première condition du wudu, c'est l'islam, car le wudu du kafir n'est pas considéré. Deuxièmement, d'avoir le aql, d'être doué de raison. Troisièmement, at-tamiz, d'avoir atteint l'âge de discernement, pour que le wudu soit valide. La quatrième condition du wudu que nous avions vue dans la sixième d'hier, c'était an-niyya, le fait d'avoir une intention et que cette intention soit maintenue, dans le sens où on n'émet pas une niyya qui annule la première. Non. Ensuite, le cinquième élément, la cinquième condition des ablutions était inqita'u mujib, c'est-à-dire le fait de faire cesser tout ce qui annule les ablutions avant de commencer les ablutions en soi. Non. Le sixième élément, la sixième condition du wudu que nous avions vu, le fait d'avoir recours à l'istinja, c'est-à-dire le fait de purifier ses orifices avec de l'eau, ou à l'istijmar, le fait d'avoir recours à l'essuyage de nos orifices par l'usage de quelque chose de sec. Non. Et ceci doit être accompli avant le wudu si on a fait nos besoins. Le septième élément, la septième condition, était tuhuriyatu ma, le fait que cette eau soit pure. Et nous avions vu que l'eau avait des caractéristiques fondamentales et qu'ici, elle venait à être altérée au point que l'appellation en change, ce n'est plus de l'eau. Ou au point où une souillure, si elle venait à y être introduite et à changer une de ces trois caractéristiques, alors ce ne serait plus une eau yani viable. C'est-à-dire que ce serait une eau impure qui est impropre à l'utilisation. La huitième condition que nous avions vue, ibahato, la licéité de l'eau, c'est-à-dire que cette eau a été acquise de manière licite. Et donc, selon cet avis émis par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, la personne qui fait le wudu avec de l'eau volée, par exemple, son wudu n'est pas valide. Non. Mais ce que je n'ai pas mentionné hier dans ma traduction, et je le mentionne à présent en guise de complément et de clarification, c'est que le cheikh Ahmed Badouf, on a expliqué que celui qui a recours à de l'eau pour faire ses ablutions et que cette eau a été acquise de manière illicite, son wudu est valide, bien qu'il est porteur d'un péché. Et c'est l'avis authentique auprès de notre cheikh dans cette mas'ala dans laquelle il y a divergence entre les ulémas, c'est-à-dire la divergence concernant la validité des ablutions accomplies avec de l'eau acquise de manière illicite. Ensuite, la neuvième condition que nous avions abordée également hier, le fait de s'assurer au préalable, c'est-à-dire avant l'accomplissement du wudu, d'avoir enlevé tout obstacle, c'est-à-dire toute substance, toute matière qui serait une entrave entre l'eau et la peau. Et nous nous étions donc arrêtés à cet endroit. Donc, tout ce qui fait obstacle à l'eau dans le lavage des membres, alors ceci doit être enlevé impérativement au préalable. Car les membres concernés par le lavage doivent être impérativement lavés intégralement. Et le cheikh avait mentionné le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu un homme qui avait accompli ses ablutions, mais cependant dont une partie d'un de ses membres, et cette partie-là était de la dimension d'un ongle, n'avait pas été lavé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a intimé l'ordre de parfaire ses ablutions. Et donc, de ce fait, on voit que le lavage doit être complet. Non. Ensuite, la dixième et dernière condition des ablutions, mentionnée par Cheikh al-Islam Mohammed Ben Abdelwahab, que l'heure soit rentrée, que la prière soit rentrée dans son heure, concernant l'individu qui ne peut pas maintenir ses ablutions. Donc, le cheikh Ahmed Badour a expliqué que donc, ce qui est voulu par ce propos de cheikh Mohammed Ibn Abdelwahab, c'est que si l'individu est malade, comme par exemple une personne qui est atteinte d'incontinence urinaire, c'est-à-dire qu'il a des gouttes d'urine qui s'écoulent de lui-même, malgré lui, involontairement, de par sa maladie, il a des écoulements urinaires qui s'écoulent de lui, des gouttes d'urine qui s'écoulent de lui, malgré lui, c'est-à-dire sans que cela ne soit de sa propre volonté. Et ce jugement-là, par exemple, va concernant celui qui ne peut pas tenir ses ablutions, l'incontinence urinaire, l'incontinence au niveau des gaz, c'est-à-dire qu'une personne qui a des gaz très fréquents, ou également la femme atteinte de métrorragie, note du traducteur. Al-mustahada, la femme atteinte de métrorragie, ce n'est pas une femme qui a des écoulements de sang, qui est le sang des règles, mais c'est un sang qui s'écoule dû à une maladie. C'est un écoulement qui n'est pas naturel. Et donc, c'est une maladie, et elle a donc un écoulement de sang qui s'écoule de sa cavité vaginale. Non. Et donc, cette femme-là est considérée comme étant une personne qui ne peut pas garder ses ablutions. Taïeb. Donc, fin de parenthèse. Et le cheikh a mentionné que le fait de considérer cet avis-là, c'est-à-dire l'avis émis par Cheikh Mohammed Abdelwahab, c'est-à-dire que la personne qui est atteinte de ce genre de maladie, se doit d'attendre l'entrée de l'heure pour faire ses ablutions. À chaque fois que la prière rentre dans son heure, la personne va faire ses ablutions, puis faire sa prière obligatoire. Cet avis-là est un avis qui est célèbre chez les Shafi'ites et les Hanbalites. Mais il y a une divergence à ce sujet. Mais cependant, prendre cet avis-là permet de sortir de la divergence. Donc, avec ceci, nous avons conclu l'explication des 10 conditions de validité du wudu. Ensuite, il va aborder ce qu'on appelle furud al-wudu, c'est-à-dire les piliers, ce que l'on pourrait considérer comme des piliers ou des obligations du wudu. Non. Donc, le premier d'entre eux, le premier de ces piliers du wudu, des ablutions, c'est le lavage du visage. Et Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab a dit que donc le lavage du visage est un pilier des ablutions ou une obligation des ablutions. Et ceci comprend al-madmada wa al-istinshaq. Al-madmadatu, c'est le lavage de la cavité buccale. Le fait d'introduire de l'eau au sein de la cavité buccale et de recracher, ou bien de simplement laver la cavité buccale. Et al-istinshaq, c'est le fait de laver les deux cavités nasales par l'introduction de l'eau. Et cet avis, donc le fait de considérer que fait partie des furud du wudu, des éléments obligatoires du wudu, le lavage du visage ainsi que le lavage de la bouche et du nez et des narines, ceci est un avis célèbre chez les Hanbalites. Cependant, al-Jumhur, c'est-à-dire la majorité des ulémas, voit que ces deux éléments, c'est-à-dire le lavage buccal et le lavage nasal, ne font pas partie des obligations du wudu, des ablutions. Non. Et il y a une fatwa de l'imam Ahmed disant que ceci n'est pas une obligation. Non. Et cet avis est le plus proche de la vérité selon notre noble cher Abul Harith Bahadur Khun. Ensuite, le cher a abordé, hafidhahullah ta'ala, un sujet important, à savoir quelle est la base sur laquelle est établie la mention de ces six éléments, c'est-à-dire le furud al-wudu, sur quoi sont-ils basés? Concernant les quatre premiers, il aborda le fait que ces quatre premiers éléments, que sont le lavage du visage, le lavage des mains jusqu'au coude, l'essuyage de la tête, le lavage des pieds jusqu'aux chevilles, ces quatre éléments sont mentionnés textuellement dans le Coran. Il mentionna le verset de Sourate Al-Ma'ida, le verset 6, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez dans le but d'accomplir la prière, alors lavez vos visages et lavez vos mains jusqu'au coude et passez vos mains mouillées sur vos têtes, c'est-à-dire essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc les quatre premiers éléments qui sont parmi les obligations du wudu, donc sont mentionnés dans ce verset de façon textuelle et explicite. Naam, c'est-à-dire le fait qu'Allah nous a dit de laver nos visages, de laver nos mains jusqu'aux coudes, d'essuyer nos têtes et de laver nos pieds jusqu'aux chevilles. Ensuite, les deux autres éléments qui furent mentionnés dans la liste des six obligations du wudu, c'est l'ordre, at-tartib et al-muwala. Al-muwala, c'est la succession, c'est-à-dire le fait que il n'y ait pas de longue interruption entre les membres lavés lors de l'accomplissement du wudu. Et il expliqua que chez les Hanbalites, le lavage de la cavité buccale, al-madmada, et le lavage des cavités nasales est considéré comme faisant partie du visage. Et ceci est un sujet à divergence entre les ulémas. Et concernant le visage, le cheikh a expliqué que donc, dans le lavage du visage, on va laver donc ce qui commence au niveau de haut en bas, ce qui commence au niveau de la naissance des cheveux, c'est-à-dire donc le début du front, de façon générale. La majorité des gens ont les cheveux qui commencent à pousser au niveau de la fin du front. Donc là où commence le front, et donc là où se trouvent les cheveux, à cette partie-là où se retrouvent unis le front et les cheveux, on commence de là jusqu'à ce que l'on atteigne le menton. Donc ça, c'est la dimension de ce qu'on appelle le visage qui est concerné par le lavage, de haut en bas. Et concernant le menton, il y a quelque chose vis-à-vis des hommes qui est concerné par le lavage à certains moments, c'est la barbe. Il expliqua que concernant le lavage du visage, ça comprend le menton, et sur le menton se trouve la barbe. Et il expliqua une distinction. La première étant que une distinction qui comprend deux angles d'approche. Le premier angle d'approche étant que si une personne est dotée d'une barbe légère, c'est-à-dire qu'on arrive à voir la chair de son visage, on voit sa peau, on voit plutôt que la chair de son visage, on voit sa peau à travers la barbe, c'est-à-dire qu'il a une barbe, il y en a parsemée, une barbe légère qui n'est pas touffue, qui n'est pas épaisse, alors la personne va devoir laver son visage et laver l'intégralité de sa barbe qui se trouve sur son visage. Et si jamais la personne est dotée d'une barbe touffue et épaisse qui cache la peau, alors dans ce cas-là, il lui est recommandé de faire at-tahlil. At-tahlil, note du traducteur. At-tahlil, c'est le fait de mouiller ses mains et d'introduire ses doigts après les avoir humidifiés et de les introduire au sein de la barbe et d'humidifier sa barbe de l'intérieur par le fait d'introduire ses doigts mouillés au sein de sa barbe. Donc ceci est at-tahlil. Et ceci est recommandé pour celui qui est doté d'une barbe touffue. Non. Et ceci fut rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, un des compagnons du messager d'Allah a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait at-tahlil lorsqu'il accomplissait ses ablutions, alayhi salatu wa sallam. Donc ceci est concernant le visage de haut en bas. Mais d'un côté à l'autre, c'est-à-dire de gauche à droite, alors on lave le visage et est considéré comme faisant partie du visage la partie qui se trouve entre les deux oreilles. C'est-à-dire d'une oreille à une autre, on doit laver ce qui se trouve entre les deux oreilles, comprenant l'entièreté de ce qui se trouve entre les deux oreilles. Ceci fait partie du visage. Et donc ceci est une obligation quant à son lavement. La deuxième obligation du wudu, le fait de laver les mains jusqu'au coude. Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah a mentionné Ghasl al-yadayn ila al-mirfaqayn, c'est-à-dire le lavage des deux mains jusqu'au coude. Après, le cheikh a abordé une mas'ala concernant les coudes. Est-ce que ceci est une limite ou est-ce que ceci est compris? C'est-à-dire, est-ce qu'on lave les mains jusqu'au coude et on s'arrête au niveau du coude et on exclut le coude du lavement? Donc, c'est-à-dire que le coude est la limite, ou est-ce qu'on lave des mains jusqu'au coude et les coudes sont compris dans ce lavage? Il mentionna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut rapporté le concernant alayhi salatu sallam, lorsqu'il faisait le wudu, lorsqu'il lavait ses mains jusqu'au coude, il lavait ses mains jusqu'au coude, comprenant ses coudes dans le lavage, et il lavait jusqu'au début du biceps. Donc, ceci prouve que le coude est compris et est concerné par le lavage. Et il apporta un point important, à savoir que le lavage des mains est de deux. Il y a un premier qui est recommandé, c'est-à-dire lorsque l'on débute les ablutions. Avant le lavage du visage, il est recommandé de laver ses mains. Mais ceci ne nous dispense pas de laver les mains une deuxième fois lorsque l'on va arriver à l'obligation. Car le lavage des mains au début du wudu, avant de laver son visage, ceci est recommandé. Par contre, une fois qu'on a lavé le visage, qu'on a lavé la bouche, qu'on a lavé le nez, et qu'ensuite on va passer au lavage des mains jusqu'au coude, le lavage de ses mains, une deuxième fois, cette fois-ci, son jugement est différent. Le premier lavage des mains au début du wudu était de l'ordre de la recommandation, tandis que ce deuxième lavage est de l'ordre de l'obligation. Et donc, il concerne les doigts, les paumes des mains, les mains entières jusqu'au coude, comprenant les coudes et s'arrêtant au début du biceps. C'est-à-dire, on touche le biceps avec l'autre. Troisième élément mentionné dans cette liste d'obligations du wudu, l'essuyage de la tête. Masḥu ar-ra's wa minhu al-udhunan. Donc, l'essuyage de la tête comprenant l'essuyage des deux oreilles. Et le verset de Sourate al-Ma'ida, faisant référence au l'essuyage de la tête, yani on en déduit et on en tire que ceci est un jugement qui concerne l'ensemble de la tête. De par la généralité du verset, on comprend que l'essuyage concerne l'ensemble de la tête et non pas une partie simplement. Et dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, ainsi que dans le Sahih de l'imam Muslim, il fut rapporté par Abdullah ibn Zayd, radiallahu anhu, qu'il décrivit l'essuyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il enseigna le wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce wudu-là comprenait un essuyage de la tête unique, c'est-à-dire un essuyage qui était fait une fois, d'avant en arrière et d'arrière en avant. C'est-à-dire un essuyage qui était fait une fois, et cet essuyage était accompli en passant les mains mouillées de l'avant de la tête jusqu'à la fin de la tête, c'est-à-dire le début de la nuque, puis de ramener ses mains de l'arrière à l'avant. Et ce mouvement d'avant en arrière et d'arrière en avant était fait une seule fois. Et certains ont émis un point argumentatif pour prouver que l'essuyage de la tête est une obligation. Que cette manière de pratiquer dans les ablutions était quelque chose qui était de l'ordre de l'obligation. En effet, Allah nous a dit dans le Coran, selon le sens en français, et essuyez vos têtes. Donc c'est un ordre. Donc on sait que le jugement est divin et c'est un ordre. Donc ceci implique que l'essuyage de la tête est une obligation. Et la pratique prophétique nous a montré la concrétisation de cette obligation. Dans sa sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment on procède à cet essuyage. Et donc la sunna nous a clarifié la manière de concrétiser cette obligation. Et concernant l'essuyage des oreilles, est-ce que ceci est obligatoire? C'est-à-dire lorsque on a essuyé la tête, ensuite on est censé essuyer les oreilles. Est-ce que ceci est une obligation? L'avis du Jumhur, c'est-à-dire l'avis de la majorité des ulémas, et c'est la position authentique auprès de notre noble cher Abul Harith Badoukhoun Hafidhahullah, c'est que l'essuyage des oreilles est une sunna et que ce n'est pas une obligation. Taïb. Ensuite, la quatrième obligation mentionnée par cher Mohamed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, ghasl al-qadamayn ila al-ka'bayn, c'est-à-dire le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. Le cheikh expliqua que les chevilles, ce sont des protubérances au niveau du pied, au-dessus du pied, qui sont de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on en a deux au niveau de chaque pied. Il y en a une sur le côté droit et une sur le côté gauche. Et il expliqua que les chevilles sont comprises dans ce lavage. C'est-à-dire qu'on lave le pied et ce n'est pas qu'on lave le pied, les pieds et qu'on s'arrête aux chevilles et qu'on ne lave pas les chevilles, mais plutôt qu'on lave les chevilles et que les chevilles donc sont comprises dans ce lavage. Et dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté ce qui prouve cela. En effet, il lavait jusqu'au-dessus de la cheville jusqu'à entamer jusqu'à ce que le lavage touchait une partie du tibia. Non. Donc de ce fait, ce lavage comprend obligatoirement les chevilles. Et le cheikh a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de parfaire et d'exceller dans l'accomplissement des ablutions. Et ce terme-là, qui avait été utilisé dans le hadith, est un terme qui renvoie à deux aspects, duquel on tire deux enseignements bénéfiques. Parmi ces enseignements bénéfiques, il en mentionna deux. Le fait que l'excellence et la manière de parfaire ses ablutions va être concrétisée par le fait de laver ce qui est obligatoire d'être lavé au moins une fois. Ça, c'est ce qui est wajib. La manière d'exceller dans les ablutions, c'est de au moins couvrir le membre une fois. Le membre concerné par le lavage est lavé entièrement dans son intégralité au moins une fois. Et après, il y a la manière d'exceller dans les ablutions, mais cette excellence-là et cette manière de parfaire les ablutions est de l'ordre de la recommandation. C'est le fait de le laver deux autres fois supplémentaires, c'est-à-dire de laver en tout et pour tout, à trois reprises, le membre concerné par le lavage dans les ablutions. Et donc ce jugement de la répétition de la purification concernant un membre ne concerne pas la tête, car la tête est essuyée une seule fois. Ce n'est pas le lavage qui la concerne, cette partie du corps, c'est l'essuyage, et cet essuyage est à accomplir une fois. Ensuite, le cheikh rapporta un enseignement bénéfique concernant la différence qui doit être faite entre le lavage et les poignées d'eau qui sont prises. C'est-à-dire que, par exemple, une personne veut laver ses mains jusqu'au coude une fois, par exemple, et il va prendre une poignée d'eau, et il va faire s'écouler de l'eau. Et si cette eau qui a été déversée, qui s'est écoulée sur son avant-bras, n'a pas été suffisante, il peut être amené à prendre une deuxième poignée d'eau, ou peut-être même une troisième poignée d'eau, pour laver son membre concerné par le lavage, c'est-à-dire sa main jusqu'au coude. Est-ce que ça veut dire que ces trois lavages qui ont été faits? Non. Il y a eu trois poignées d'eau qui ont été prises, mais elles ont été utilisées dans le lavage du membre concerné par le lavage une seule fois. Donc après, ils peuvent reprendre de l'eau à plusieurs reprises. Donc ce qui est à considérer, ce n'est pas le nombre de poignées d'eau qui est pris, mais plutôt le nombre de lavages, c'est-à-dire le nombre de fois que le membre a été entièrement couvert par de l'eau. Donc peut-être une personne pour laver trois fois son membre, de ses mains jusqu'au coude, va peut-être être amenée à prendre neuf poignées d'eau. On considère qu'il a fait trois fois le lavage. On ne prend pas en compte le nombre de poignées d'eau qu'il a utilisées, mais le nombre de fois où le membre a été recouvert d'eau dans son intégralité, concernant la partie du membre qui est concernée par le lavage. Ensuite, concernant at-tartib, le cinquième élément obligatoire des ablutions est at-tartib, c'est-à-dire l'ordre. Et d'où a été tiré cela? Ceci a été tiré également du verset de Sourate Al-Ma'idah. En effet, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les ablutions en nous disant « Lavez vos visages », selon le sens du verset en français, « Lavez vos visages et lavez vos mains jusqu'au coude et essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. » Donc on voit qu'ici, il y a eu quatre éléments intrinsèques au wudu, aux ablutions. Les deux premiers éléments, que sont le visage et les mains, sont des parties du corps qui doivent être lavées. Le troisième élément qui a été mentionné est un élément qui doit être essuyé. Puis le quatrième élément est un élément qui se trouve être les pieds, qui doit être lavé. Les ulémas ont dit quelle est la faïda dans cela? C'est-à-dire, En général, lorsque l'on va mentionner deux catégories de choses, on va mentionner tous les éléments relatifs à une catégorie, puis après l'élément qui fait partie de l'autre catégorie en second plan. Donc normalement, on est censé mentionner les membres à laver ensemble, puis le membre à essuyer de façon séparée, distincte, pas au milieu de la mention des membres qui sont à laver. Donc pourquoi cela? Ils en ont tiré que l'objectif Yani, ce qui est tirable comme enseignement de cet ordre-là, le fait de mentionner un membre qui est à essuyer au milieu d'une liste de membres qui est à laver, ça veut dire qu'il y a un ordre donc à respecter. Donc le fait que le visage soit mentionné en premier, les mains ensuite, et ce sont des parties du corps qui doivent être lavées, puis l'essuyage de la tête, qui n'est pas à laver mais qui est à essuyer, puis la mention d'un quatrième élément qui, lui, doit être lavé, nous prouve que donc c'est un ordre à respecter. Ceci fut tiré par un certain nombre de nos ulémas. Non. Donc, At-Tartib découle de ce verset-là. Également, parmi les arguments mentionnés par les ulémas, voyant le Tartib, voyant l'ordre, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous commençons par ce qu'Allah a mentionné en premier. À la base, ce hadith-là, comme notre cher Ahmed Badoukhoun l'a mentionné, a expliqué que ce verset-là, à la base, concerne les rites du Hajj. C'est-à-dire que dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les rites du Hajj et a mentionné Al-Safa et Al-Marwa, c'est-à-dire le fait de faire les allers-retours entre les deux monticules que sont Al-Safa et Al-Marwa. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, concernant ce verset-là, dans l'accomplissement du Hajj, nous commençons par ce qu'Allah a mentionné en premier. Non. Et donc certains ulémas ont pris ce hadith qui initialement est relatif au rite du Hajj et l'ont appliqué concernant le wudu, dans le sens nous commençons par ce qu'Allah a mentionné en premier, c'est-à-dire nous commençons par ce qu'Allah a mentionné en premier dans le verset relatif aux ablutions de Sourate Al-Ma'idah. Ceci est un argument avancé par les ulémas voyant l'ordre impératif à respecter. Et la sunna tend à corroborer cela, c'est-à-dire que de façon générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions dans un ordre particulier et n'en changeait pas. Après, il y a une riwaya, il y en a un hadith qui a été authentifié par certains ulémas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait lavé le visage avant de laver la cavité buccale et ses cavités nasales alayhi salatu wasalam. Non. Ensuite, le sixième et dernier élément qui fait partie de la liste des six obligations du wudu, c'est al-muwalah, c'est-à-dire la succession. Qu'est-ce qui est voulu par ce terme-là? Le cheikh Ahmed Badouh, hafidhahullah ta'ala, a expliqué que ceci renvoie au fait que la personne qui se livre à l'accomplissement des ablutions doit faire ses ablutions sans qu'il n'y ait une longue interruption entre les membres dans leur lavage. Et comment on estime ce temps-là? C'est-à-dire ce temps qui est considéré comme une longue interruption. Il a dit, on revient au urf, à l'usage coutumier. Note du traducteur. Al-urf est un critère décisif et décisionnel dans le fiqh qui consiste à se référer à l'usage coutumier auprès des musulmans d'une localité donnée. Et donc le cheikh explique dans ce passage que si une interruption, par exemple un musulman fait ses ablutions dans une localité et que dans l'usage commun de la localité dans laquelle il vit, il y en a une telle interruption, par exemple de 5 minutes, c'est une longue interruption, alors dans ce cas-là, s'il interrompt volontairement ses ablutions, dans le sens où il laisse un espace de 5 minutes entre le lavage de deux membres concernés par le lavage dans les ablutions, alors son wudu n'est pas considéré comme étant valide, parce qu'il a fait une longue interruption, il n'a pas respecté la succession dans le lavage des membres. Si ceci est considéré comme étant une longue interruption dans sa localité, c'est-à-dire dans sa communauté, dans l'usage coutumier, l'usage commun. Si par contre il fait une interruption brève, qui est considérée comme étant brève et qui n'est pas considérée comme étant longue, selon la conception locale de la chose. Alors dans ce cas-là, s'il fait une interruption de quelques secondes ou de quelques minutes, qui n'est pas considérée comme étant excessivement longue, alors dans ce cas-là, ceci ne contrevient pas à la validité, ne remet pas en cause la validité de ses ablutions. Après, certains mashayikh ont expliqué que la longue interruption peut être tolérée et n'est pas considérée comme étant une invalidation du wudu si elle est subie, c'est-à-dire le cheikh a expliqué que l'annulation des ablutions et l'invalidité des ablutions est concernant celui qui volontairement retarde le lavage de ses membres en leur faisant une interruption qui est longue, selon la conception coutumière des musulmans de sa localité. Cependant, des ulémas comme l'imam Ahmed, et c'est l'avis de l'imam Ahmed, l'avis de Cheikh Al-Uthaymeen et de Cheikh Moukbil, ont expliqué que si ceci est subi, alors dans ce cas-là, c'est différent. Et il donna un exemple afin d'éclaircir cela. Par exemple, une personne qui fait ses ablutions et a l'intention d'enchaîner le lavage de ses membres, mais malgré lui est empêché. Comme par exemple le fait qu'il y ait une coupure d'eau. Le fait qu'il y ait une coupure d'eau, par exemple, il est en train de faire ses ablutions et il a lavé ses membres et il y a une coupure d'eau. Et du coup, cette coupure d'eau s'allonge dans le temps. C'est-à-dire qu'elle dure un certain moment et ce moment-là est considéré comme étant un temps qui est long dans la conception des musulmans de sa localité. Si l'eau revient, il peut poursuivre dans ses ablutions. Il peut reprendre là où il s'est arrêté et non pas recommencer du début. Car là, son interruption qui était longue entre le lavage des membres n'était pas de sa propre décision et de sa propre volonté, mais était subie. Donc, selon l'avis de Cheikh Moukbil et de Cheikh Al-Uthaymeen, et qu'une fatwa rapportée de l'imam Ahmed, la personne n'est pas considérée comme étant dans l'obligation de recommencer ses ablutions dès le départ, il y a mis à zéro, mais peut poursuivre et reprendre ses ablutions là où il s'est arrêté, car l'interruption a été subie. Et ceci rentre dans la généralité du verset, et craignez Allah selon vos capacités. Non. Mais si par contre le délaissement du lavage des ablutions, du lavage des membres concernés par les ablutions, et ce délaissement est long et il est volontaire, alors dans ce cas-là, la personne refait ses ablutions. Elle recommence ses ablutions. C'est-à-dire que par exemple, si une personne entame son wudu, fait une pause, une longue pause, qui est considérée comme étant longue selon la conception de sa localité, il devra recommencer à zéro, si ceci est fait de son propre fait, c'est-à-dire de sa décision. Et le hadith qui a été utilisé comme preuve afin d'établir ce jugement est un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait fait les ablutions, mais qui avait laissé une partie infime, une petite partie d'un des membres, intouchée par le wudu. Il n'avait donc pas complété son wudu. Il n'avait pas complété son wudu et il n'avait pas accompli entièrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va et refais tes ablutions. Donc il lui a intimé l'ordre de refaire ses ablutions. Donc ce qui prouve que la longue interruption dans le lavage des membres, si ceci est fait de la propre décision du serviteur, non, ceci est une cause de réitération des ablutions. On doit recommencer les ablutions parce qu'on n'a pas respecté une obligation des ablutions. Et le Shir mentionna un élément également qui est obligatoire concernant les ablutions, selon Shir Mohammed bin Abdul Wahhab, c'est la mention d'Allah, c'est-à-dire le fait de dire Bismillah lors du début des ablutions, c'est-à-dire au moment où on s'apprête à commencer le wudu. Et ce sujet est un sujet dans lequel il y a divergence. Et donc certains ulémas ont affirmé l'authenticité, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que le hadith d'Abu Huraira dans ce sujet est authentique. Et dans ce hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit qu'il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'y mentionne pas le nom d'Allah. Cependant, l'authenticité de ce hadith est sujette à divergence. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah avait dit que dans ce sujet-là, il n'y avait rien d'authentique qui avait été rapporté. Cependant, certains ulémas ont considéré l'authenticité de ce hadith. Parmi eux, le grand savant du hadith, le cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, qui l'a considéré authentique. Non. Et donc, il y a divergence. Et le cheikh Ahmed Badoukhoun, hafadahullah ta'ala, a dit que as-sahih, la position authentique dans ce sujet-là, c'est que c'est recommandé. Et que ce n'est pas de l'ordre de l'obligation. Sachant que dans les ahadiths dans lesquels fut mentionné plutôt la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été rapporté que il est dit Bismillah alayhi salatu wa sallam. Donc, dans cette mas'ala-là, le cheikh a dit qu'à rajah, c'est que c'était mustahab. Non. Ensuite, nous allons aborder, donc après avoir vu ces furud, c'est-à-dire ces obligations, Je fais un bref récapitulatif. Nous avons vu les 10 conditions des ablutions. Je réitère leur mention en guise de révision. À l'islam, le fait d'être musulman, le fait d'avoir la raison, le fait d'avoir atteint l'âge de discernement, le fait d'avoir la niyya et de ne pas rompre cette intention, le fait de cesser tout ce qui annule les ablutions avant de commencer les ablutions en elles-mêmes, le fait que si on a fait ses besoins de se purifier avec de l'eau ou avec quelque chose de sec au niveau de nos orifices, le septième élément, le fait d'utiliser de l'eau pure, huitième élément, le fait d'utiliser une eau acquise de manière licite, neuvième élément, le fait d'enlever tout obstacle à l'eau dans le fait de lorsque l'on veut laver ses membres, tout obstacle qui empêche l'eau d'atteindre le membre doit être enlevé. Dixièmement, le fait d'attendre l'entrée de l'heure pour la personne qui est atteinte d'une maladie qui fait qu'elle ne peut pas maintenir ses ablutions. Ensuite, nous avons étudié les six éléments qui sont des éléments obligatoires du wudu. Le lavage du visage, comprenant la bouche et le nez selon le mu'allif, c'est-à-dire selon l'auteur, rahimahullah, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Le lavage des mains jusqu'au coude et comprenant les coudes. L'essuyage de la tête et comprenant les oreilles selon l'auteur. Et le lavage des pieds jusqu'aux chevilles, l'ordre à respecter et la succession qui est à respecter. Et on avait mentionné un élément supplémentaire, le fait de mentionner le nom d'Allah. Et ça, on avait vu que c'était mustahab, al-rajih, bayna aqwali ahli al-ilm. Donc nous allons à présent aborder nawaqid al-wudu, c'est-à-dire nous allons, bi-idhnillahi azawajal, aborder les annulatifs des ablutions. Le shir a expliqué que le premier de ces annulatifs, c'est al-kharijum nasabili, c'est-à-dire les substances, les matières qui sortent des orifices. Ceci est un annulatif, c'est-à-dire ce qui sort du phallus pour l'esprit humain du sexe masculin et ce qui sort de l'anus est un annulatif du wudu. Que cette matière ou cette chose qui sort soit une chose qui sort usuellement ou non. Note du traducteur. Ce que le cheikh veut dire, et ce à quoi le cheikh fait référence, c'est le fait que il y a des fois des choses qui sortent de l'organisme, d'un de ces deux orifices, qui est naturellement sorti. C'est-à-dire que l'urine, par exemple, c'est quelque chose qui est naturel, qui sort du phallus. Mais des fois, certaines choses peuvent s'écouler du phallus, ce n'est pas quelque chose qui sort naturellement, c'est-à-dire que ce n'est pas normal que cela sorte, mais sa sortie implique l'annulation du wudu. Par exemple, la personne qui a des caillots de sang au niveau de la vessie, qui sortent par le phallus, ça arrive lorsque l'on est malade ou lorsque des fois du sang s'écoule du phallus. Ça, c'est un écoulement qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal. C'est de l'ordre de la maladie. Cependant, la sortie de cette chose, de ce caillot ou de cet écoulement de sang du phallus est un annulatif du wudu. Donc, tout ce qui sort des deux orifices, celui de devant, celui de derrière, est un annulatif du wudu. Est un annulatif du wudu. Que cet écoulement et cette sortie soient naturels ou non, c'est-à-dire soient normales ou non. Ensuite, al-kharij al-fahish an-najis min al-jasad. Donc ça, ce deuxième annulatif est concernant la sortie d'une substance impure de l'organisme par une voie qui est autre que les deux orifices. C'est-à-dire que, par exemple, si une impureté sort de l'organisme, par un autre endroit que ces deux orifices, est-ce que c'est un annulatif du wudu? Non. Par exemple, selon cet avis qui est émis par certains uléma, et c'est un avis dans le madhhab hanbali, par exemple, en prenant cet avis-là, on va considérer que le saignement du nez, c'est-à-dire que si une personne a un saignement de nez important, c'est une sortie d'une substance impure, par un orifice autre que les deux orifices. Est-ce que c'est un annulatif du wudu? Selon certains uléma, oui. Mais cependant, Cheikh Ahmed Badrouane avait dit que l'avis authentique, c'est que ceci n'est pas un annulatif du wudu. Ceci n'est pas un annulatif du wudu en soi. Non. Ensuite, le troisième élément que le Cheikh a mentionné, la perte de la raison. Naam, zawal al-aql. C'est-à-dire le fait de perdre la raison, c'est un annulatif du wudu. Cependant, il a expliqué que les annulatifs, ce qui est considéré comme un annulatif du wudu, sont de deux. Ce qui est un annulatif en soi et ce qui est une cause d'annulation du wudu. Et nous allons voir ce concept. Concernant la perte de la raison, le cheikh a mentionné, hafidhahullah, que concernant la perte de la raison, ceci survient de quatre manières possibles. De par la folie, de par le sommeil, de par l'ivresse, hein, ou de par l'évanouissement. Et donc, dans ces états-là, La personne est considérée comme ayant perdu la raison et on considère qu'elle a perdu les ablutions. Car dans cet état, cette personne n'est plus maître de ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de maîtrise. Car la personne qui a perdu la raison, de par le fait qu'elle dort, par exemple, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Donc elle peut très bien avoir des gaz ou avoir accompli des annulations du wudu sans s'en rendre compte. Donc, parce qu'elle n'a plus de maîtrise de sa propre personne. Elle ne peut plus s'assurer qu'elle ait toujours ses ablutions. Et donc là, on voit qu'il y a deux types d'annulatifs. Il y a ce qui est un annulatif en soi, par exemple, al-kharijou min as-sabilayn, c'est-à-dire le fait qu'il y ait quelque chose qui sort d'un des deux orifices, l'orifice anal ou l'orifice pénien pour l'homme. Ça, c'est un annulatif en soi, ou le fait d'avoir un gaz. Le fait d'avoir un gaz qui sort de par l'anus. Donc, ceci est un annulatif en soi. Et après, il y a une deuxième catégorie, c'est-à-dire ce sont des circonstances qui sont considérées et décrites comme si c'était un annulatif, mais ce n'est pas un annulatif en soi, mais ce sont des circonstances ou des causes qui vont provoquer des annulations du wudu. C'est-à-dire, le sommeil fait partie de cette catégorie. Le sommeil en soi n'est pas un annulatif en soi, mais c'est un critère, en fait, c'est un paramètre, c'est une circonstance, une situation qui est propice à l'annulation du wudu. Car lorsque la personne dort, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Donc elle peut avoir un gaz et ne même pas s'en rendre compte. Donc elle peut avoir accompli des annulations du wudu sans s'en rendre compte. Non. Donc le sommeil est décrit comme étant un annulatif du wudu, mais en vérité c'est pas un annulatif en soi-même, en lui-même. C'est un annulatif dans le sens où c'est une circonstance, une situation qui est propice à ce qu'on annule nos ablutions dans ce contexte. Et le cheikh a fait un détail concernant justement le sommeil. C'est-à-dire quel type de sommeil est visé. Est-ce que la somnolence est comprise ou pas? Nous allons le voir. Le cheikh a expliqué que, concernant le sommeil, les quatre imams sont unanimes, c'est-à-dire l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, rahimahumullah jami'an, sont unanimes sur le fait que le sommeil n'est pas un annulatif du wudu en lui-même. Mais plutôt, c'est que c'est une situation propice à cela. Et également, il y a unanimité entre les ulémas sur le fait que la somnolence n'annule pas le wudu. La somnolence, qu'est-ce que c'est? Note du traducteur. La somnolence est un état de fatigue qui est le prémisse du sommeil. C'est-à-dire, ce n'est pas un sommeil profond, c'est juste une somnolence. C'est-à-dire, c'est une forme de début de sommeil. Ceci n'annule pas. Et il y a unanimité entre les ulémas, entre eux sur ça. Après, justement, là où il y a eu du détail, c'est concernant quel est le sommeil alors qu'il va être considéré comme étant un sommeil suite auquel on considère que la personne doit refaire ses ablutions. As-Sahih, c'est que notre cher Ahmed Badoukhoun nous a décrit ce sommeil en disant que c'est un sommeil qui est d'une profondeur telle que celui qui a ce sommeil-là, s'est endormi de ce genre de sommeil-là, pendant ce sommeil-là, n'était pas capable de savoir s'il avait perdu ses ablutions. C'est-à-dire qu'il a perdu le ressenti concernant ses ablutions. Il n'a pas été capable de savoir et de savoir s'il a perdu ses ablutions ou pas. Non. Et ce qui prouve que le sommeil fait partie de ce qui nécessite la réitération des ablutions, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses sahaba que s'ils sont en voyage, qu'ils ne retirent pas leurs chaussons. Note du traducteur, lorsque l'on a mis ses chaussons en état d'ablution, on n'a pas à les enlever pour laver nos pieds si on veut refaire les ablutions. On peut essuyer sur les chaussons. Et ça, c'est un sujet de fiqh célèbre. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que lorsqu'ils étaient en voyage, qu'ils ne retirent pas leurs chaussons lorsqu'ils veulent se purifier, si ce n'est pour la janaba. Parce que pour la janaba, on fait le ghusl, on fait les grandes ablutions. Et ça implique de laver les pieds. Et donc, et d'essuyer sur les chaussons, et il a indiqué que ils ne retirent pas leurs chaussons, mais que donc ils essuient sur leurs chaussons lorsqu'ils referont leurs ablutions. Et il a mentionné pour l'urine, pour la défécation et pour le sommeil. Donc ça veut dire que le sommeil a été mentionné comme étant une cause de réitération des ablutions. Non. Ensuite, il y a un point que le cheikh a abordé concernant le toucher de la femme. C'est-à-dire que le toucher de la femme, selon certains ulémas, ceci est un annulatif du wudu. Et dans laquelle de ces deux catégories va-t-on le mettre, le toucher de la femme? Est-ce qu'on va le mettre comme étant un annulatif en soi, où on va le mettre dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire une catégorie qui est mentionnée comme étant une cause de réitération des ablutions, de refaire ces ablutions, mais en fait, c'est une cause d'annulation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est propice à ce que les ablutions soient annulées. Il y a eu divergence entre les ulémas. Et à sourire, c'est que on le met dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire que le toucher de la femme est quelque chose qui peut amener à ce qu'on annule les ablutions. Et concernant ce sujet-là, certains ulémas ont dit que le toucher sensuel, c'est-à-dire le fait de toucher une femme avec désir, c'est-à-dire un toucher sensuel, des attouchements, des préliminaires, ceci est un annulatif du wudu selon les Malikiyas et selon les Hanabil, selon les Malikites et les Hanbalites. Donc, c'est-à-dire que le toucher direct de la femme, c'est-à-dire de la main sur la peau, directement de corps à corps, un toucher direct avec shahwa, c'est-à-dire avec une pulsion sexuelle, un désir sexuel, ceci était un annulatif du wudu selon les Hanbalites et selon les Malikites. Et les Shafi'ites, eux, ont considéré que le simple toucher sans pulsion sexuelle, le simple toucher de la femme est une annulation considérée comme une annulation du wudu, c'est-à-dire comme quelque chose qui rend obligatoire le fait de réitérer l'accomplissement de ces ablutions. Et il y a le troisième avis, qui est l'avis émis par les Hanafites, et c'est l'avis qui a été considéré comme étant prépondérant pour Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh Mohammed Ibn Saleh Al-Uthaymeen, que, en vérité, le toucher des femmes, que ceci soit fait avec shahwa, avec une pulsion sexuelle, ou non, ceci n'annule pas. Quel a été l'argument? L'argument, c'est l'interprétation d'Ibn Abbas du verset. Car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le fait que l'on doit se purifier si, pour faire la prière, si on est allé aux toilettes, donc si on a fait nos besoins, ou si on a touché les femmes. On doit se purifier avant de faire la prière. Mais qu'est-ce qui est voulu par rapport au fait d'avoir touché les femmes? Abdullah ibn Abbas a expliqué ce verset comme étant une allusion au jima, c'est-à-dire une allusion au rapport sexuel. C'est-à-dire que celui qui a un rapport sexuel avec une femme doit se purifier, donc faire le ghusl, avant de faire la prière. Et donc ce n'était pas le sens yani apparent du verset qui était voulu, c'est-à-dire le fait de simplement toucher. Mais c'était le fait de faire, yani d'avoir un rapport intime avec une femme. Donc, as-sahih, l'avis authentique, de par l'expertise de notre noble cher Ahmed Badourou, c'est que le toucher de la femme, qu'il soit accompagné d'une pulsion ou non, n'annule pas les ablutions de l'individu. Non. Par contre, il apporta un point important. Si par contre ce toucher-là provoque l'émission de madhi, le liquide préséminal, c'est un liquide qui est différent du sperme, qui est un liquide qui s'écoule, qui est sécrété par le phallus, mais qui ne jaillit pas, et c'est un liquide dit préséminal. Ce liquide-là, si, suite à ces attouchements sensuels avec une femme, il s'écoule, ceci est un annulatif des ablutions. Mais là, l'annulation des ablutions n'a pas été provoquée par le toucher. On ne considère pas qu'il a perdu ses ablutions et qu'il doit les refaire parce qu'il a touché une femme. Mais non, c'est plutôt par rapport au fait que il a touché une femme et que ceci a provoqué l'écoulement et la sécrétion du madhi, du liquide préséminal, qui lui est un annulatif du wudu, qui implique le fait de refaire ses ablutions. Ensuite, le cheikh a mentionné un autre annulatif. Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab rahimahullah a dit: Massul farji qubulan kana aw dubura. C'est-à-dire le fait que dans la liste des annulations du wudu, Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab rahimahullah a mentionné le fait de toucher ses parties intimes, que ce soit celle qui est devant ou celle de derrière, c'est-à-dire l'anus. Et le cheikh Ahmed Badouh, hafidhahullah, a expliqué que ceci est un annulatif qui est décrit comme étant un annulatif si ceci est fait sans entrave. C'est-à-dire c'est dans le cas d'un contexte direct. Les fuqaha considèrent que ceci est un annulatif du wudu si ceci est un toucher direct, c'est-à-dire que la main touche le phallus ou la main touche la partie intime au niveau de devant ou l'anus. Et sachant que sur ça, il y a un sujet de divergence concernant l'anus. Ceci étant dit, donc c'est un toucher qui est sans entrave. Et il n'y a pas de divergence entre les ulémas sur le fait que si ce toucher-là est fait avec une entrave, ceci n'annule pas. C'est-à-dire que si quelqu'un touche ses parties intimes, que ce soit au niveau de devant ou que ce soit au niveau de derrière, avec une entrave, un tissu, quelque chose qui est une entrave entre sa main et l'orifice ou la partie intime, alors ceci n'annule pas. Ceci n'annule pas les ablutions. Et donc, il mentionna deux hadiths rapportés authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquels les ulémas ont divergé concernant comment interagir avec ces deux hadiths. Le premier texte qu'il mentionna est le texte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: quiconque touche son phallus, qu'il refasse ses ablutions. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné concernant les ablutions, est-ce qu'on les refait suite au toucher du phallus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceci n'était pas nécessaire car ce n'était qu'une partie de lui. Donc le premier texte implique l'obligation de faire ses ablutions suite au toucher du phallus, mais le deuxième texte implique qu'on n'a pas à le faire car ce n'est qu'une partie de nous-mêmes. Donc comment concilier entre ces deux textes? L'avis qui fut émis par Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen et avant lui Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est de concilier entre ces deux textes en disant que le fait de refaire ses ablutions est de l'ordre de la recommandation. Non. Et concernant le fait de toucher, est-ce que ce jugement-là, le fait de toucher avec la main, ceci concerne la paume de la main ou la main dans son entièreté, donc comprenant le dos de la main? Le Cheikh Ahmed Badouh a pris l'avis et a considéré que ce qui est un annulatif, ce serait si on touchait avec la paume de la main. C'est-à-dire que donc ce qui est voulu par les paroles de l'auteur, ce qui doit être compris, c'est que c'est considéré comme un annulatif si le toucher est accompli avec la paume de la main. C'est-à-dire donc l'intérieur de la main. Et le Cheikh a apporté un point supplémentaire, une précision supplémentaire, c'est que as-sahih, c'est-à-dire que la position prépondérante, c'est que ceci peut être un annulatif si ce toucher est fait avec le phallus, la partie intime de devant. Mais concernant l'anus, ceci n'est pas considéré comme un annulatif des ablutions, à la sahih, c'est-à-dire selon l'avis prépondérant aux yeux de notre noble Cheikh, parmi les avis émis par les gens de science. Ensuite, il mentionna l'annulatif suivant, qui est aklul lahmi al-jazur, c'est-à-dire le fait de consommer la viande de chameau. Et ça, c'est un avis distinctif des Hanbalites, c'est-à-dire c'est un avis par lequel se sont distingués les Hanabilas, les Hanbalites. Le fait de considérer que la consommation de la viande de chameau comme étant un annulatif des ablutions. Et il mentionna deux textes à ce sujet-là. Le premier texte est un texte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné par les sahabas. Et il fut questionné de la manière suivante. Ils le questionnèrent sur le fait que doit-on refaire les ablutions suite à la consommation de la chair de chameau, de la viande de chameau. Ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit par l'affirmative. Donc il affirma que l'on refait les ablutions suite à la consommation de viande de chameau. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alayhi salatu wa sallam, refaites les ablutions suite à la consommation de viande de chameau, mais ne les refaites pas suite à la consommation de viande des ovins. Note du traducteur, les ovins visant par exemple les moutons ou les chèvres. Ensuite, parmi les annulatifs des ablutions mentionnés par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, tarsilul mayyit. C'est-à-dire que celui qui lave le mort, qui est amené à laver le mort, doit refaire ses ablutions. Ceci est l'avis dans le madhhab. Et ceci est l'avis qui a été mis en avant par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Cependant, le Cheikh Ahmed Badouhoun, hafidhahullah ta'ala, a expliqué que le hadith Yannick, qui est relatif à ce jugement-là, est faible. Donc, as-sahih, la position authentique selon notre noble cheikh Ahmed Badouh, est de considérer que ceci n'est pas en soi un annulatif des ablutions. Ensuite, le huitième élément qui fut mentionné par cheikh al-Islam Mohammed Abdelhab, ar-riddatu anil islam, na'ouzou billah. Donc, l'apostasie. C'est-à-dire, l'apostasie, note du traducteur, c'est le fait de rejeter l'islam et de quitter l'islam après avoir été du nombre des musulmans. Donc ceci est considéré comme un annulatif des ablutions, selon le madhhab et selon l'avis mis en avant par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans sa risale. Fin de parenthèse. Et donc le Cheikh Ahmed Badouh, hafidhahullah ta'ala, a mentionné deux grands avis dans ce sujet-là. Le fait que donc le premier avis, c'est celui qui est émis par l'auteur. C'est-à-dire que la personne qui apostasie, ses œuvres deviennent vaines. C'est-à-dire ses œuvres sont anéanties de par sa mécréance, de par son apostasie. Et donc ceci donc annule ses ablutions. Ça, c'est le premier avis. Et le deuxième avis qui a été émis, c'est le fait de considérer que ses œuvres sont anéanties et donc annulées s'il meurt dans cet état. En se basant sur le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait la mention de l'anéantissement des œuvres concernant quiconque apostasie de sa religion et meurt en étant mécréant. Donc ils ont utilisé cette partie du verset pour argumenter que ceci, l'anéantissement des œuvres, concerne l'apostat qui est mort sur cet état d'apostasie, cet état de mécréance. Cependant, le cheikh a expliqué que la personne qui a apostasie, lorsqu'elle redevient musulmane, elle est obligée de faire le rousse. Donc de ce fait, c'est que à ce faire, c'est que ça annule les ablutions. Non. Donc nous avons ici alors terminé notre étude des nawaqid du wudu. Et nous poursuivons donc dans les shurut de la salah dans notre assise de demain, bi-idhnillahi azzawajal. Et donc, je vais faire un bref récapitulatif concernant le sujet de la salah et de ses shurut. Nous avons vu les 10 annulatifs de les 10 conditions de validité de la prière. Nous en avons vu, il y en a 4. Et dans la quatrième, qui est concernant le fait d'enlever l'état d'impureté, nous avons vu donc le sujet du wudu. Le wudu, nous avons vu ces 10 conditions de validité. Il y en a 9 pour les conditions de la prière et 10 pour les conditions du wudu. Et donc nous avons vu les 10 conditions de validité du wudu et nous avons vu également furu dal wudu. Dans l'assise d'aujourd'hui, nous avons vu les 6, qui étaient le lavage du visage, comprenant le lavage de la cavité buccale et des cavités nasales. Deuxième, le fait de laver les mains jusqu'au coude. Le fait d'essuyer la tête et comprenant les oreilles. Le fait de laver les pieds jusqu'aux chevilles et comprenant les chevilles. Et le fait de respecter le tartib, l'ordre et la succession. Et nous avons vu un élément supplémentaire également parmi les obligations du wudu, le fait de mentionner le nom d'Allah. Puis nous avons vu dans l'assise d'aujourd'hui les 8 éléments qui sont considérés comme étant des annulatifs du wudu selon le madhhab hanbali et l'avis mis en avant par Cheikh l'Islam Mohammed Abdelwahab. Donc, ce qui sort des deux orifices, ce qui sort comme matière souillée de l'organisme qui sort par autre que les deux orifices. Troisièmement, le fait de toucher la partie intime, que ce soit celle de devant ou celle de derrière. Ensuite, le fait de perdre la raison. Le fait de toucher une femme avec désir, le fait de consommer de la viande de chameau, le fait de laver le mort et l'apostasie de l'islam. Non. Et nous poursuivrons bi-idhnillah dans l'assise de demain concernant les shurut de la salah bi-idhnillahi azzawajal. Et donc, si vous avez besoin d'un éclaircissement ou d'une clarification concernant le sujet du cours ou concernant le contenu de nos cours, n'hésitez pas à nous solliciter à travers les réseaux sociaux. Non, le Merkez de l'Imam Chafiri a un compte Instagram, un compte Telegram, un compte Twitter. Et donc, les responsables sont joignables par ces médias et ces différents réseaux sociaux afin de pouvoir transmettre vos questions à Cheikh Ahmed Badourkhoun afin d'obtenir clarification concernant ce qui vous pose problème dans l'apprentissage de votre religion. Barakallahu fikum. Et donc, nous poursuivrons demain dans l'assise qui aura lieu à 19, à 18h, Inch'Allah, heure française. Hada wa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته